bonsoir à toutes et tous. Ici quelques millièmes de seconde, on retrouvera Hervé Huch, toujours en pleine forme. Ouais, comme toujours. Avec un teint bronzé. Merci. Un jeune, on dirait un Jones. Bah ouais, merci, c'est normal. Comment ça va? Ouais. Ça va super. Ça va super? En plein boom. Malgré le temps. Ouais. Assez maussade. Tu sais que la semaine dernière, c'était une mission un peu rétro house. J'ai eu beaucoup d'échos d'ailleurs, justement. Ouais, bah écoute, moi j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé. Et ça va être ça, les prochaines soirées Remember of Past, ce mélange New Wave, Electro, Dark, New Beat, Acid, Retro House, 85-90. Les gens ont vraiment bien accroché, ça va être ça, la fête quoi. D'ailleurs ce soir, c'est encore une émission dans le même genre. Ouais. Comme tu sais, j'ai racheté la collection d'un DJ d'une boîte très très connue qui était Kurn. Ouais. Donc truc très très house, etc. New Wave, ça va être géant. On a vraiment des super bons échos quoi, ça va être génial. Donc la prochaine soirée c'est le 7 juin. Ouais. Tu peux avoir la vacance. Est-ce qu'il y en aura une pendant juillet ou août? Oui, au mois d'août. D'accord. Voilà, parce qu'en fait c'est une fréquence de tous les deux mois. Et donc le 7 juin, donc c'est une 100% minimale électro, new beat, acid, retro house. Donc je serai tout seul au platine comme un grand. C'est bien ça. Voilà, voilà. Tu vas distiller du bon son. Bah oui, bah, je suis là pour faire danser, pour vous faire danser. C'est pour ça qu'on a changé un peu le thème Remember of Past et Original Music for Original People, Dance and Die. Voilà, pour que on a récupéré toute la clientèle qui sortait au 37, au Sky, les premiers clients de The Villa, etc. Donc ça va être fort. Ah ouais, ça va être bien. Ça nous donne déjà un bon aperçu de ce que tu fais le mercredi soir. C'est ça qui est bien. Voilà, voilà. Donc le 7 juin, entre deux, on vous invite le 10 mai à une soirée, un nouveau concept qui s'appelle In Eternity, donc toujours au Tweed Castle, donc soirée plutôt gothique Bad Cave, où ce seront deux DJ, dont une DJette, Fin de Cure et Cédric. Donc là, ça sera vraiment beaucoup plus underground. D'accord. Donc un autre public. Ok. Plus gothique. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler sûrement. Exactement. La semaine prochaine. Donc le 10 mai, et ensuite, grosse soirée, Remember of Past le 7 juin au Tweed Castle. Très bien. Voilà, voilà. Une adresse MySpace peut-être pour myspace.com, minimal électro wave avec un tiret sous les 8 une fois entre minimal et électro, voilà, où il y a d'ailleurs toutes les photos de la dernière soirée Remember of Past, où on voit d'ailleurs Nathalie, ta fiancée. Exact. Et voilà, donc là par contre les photos sont sur ma page MySpace, donc il faut avoir MySpace forcément, il faut avoir un identifiant, une page, un compte, sur le site Remember of Past. Très bien. Les gens ils cliquent sur ma picture. Impeccable. Plein de photos de moi tout nu. voilà. Avec toi. T'es là. sur la plage, sur une peau de bête. Un truc de fou. Une peau de bête. Une belle nana brune, bien sexy, bien bronzée. Hein, c'est le rêve. Et le jeune homme derrière nous qui nous regarde, qui nous filme. Le rêve. C'est Cédric de la team Georges. Je lâche rien. C'est la mascotte. Merci à vous tous. Ciao. Allez, tout de suite Hervé Huch pour l'émission Remember of Past. C'est en direct et c'est jusqu'à 22h30. Je vous ai passé d'excellents moments à l'écoute de la radio. Galaxy, out of time.

Love. So don't ease up on our dance floor, cause we're just starting to sell the score. I say New York, this is our sound, so check it out, cause it's coming around. We're not bad rapping, but you can see this train's a tracking to NYC. So give it a listen and hear the song. This native love is deep and strong. These old boys laying down this track, say check it out, for it's a fact. It's about to happen, as you can hear. My voice is loud, and if it's clear, I'll say it all, cause it's a fact. My break is here, well it's time to jack. So break it down, or almost more. Let's feel this beat all through this floor. Don't get amor. God's house, the house of God. God's house, the house of God. God's house, the house of God. God's house, the house of God. God's house, God, the house of God. God, God's house, God, the house of God. God, God's house, God, the house of God. God, God's house, God, the house of God. God, $50 or more. Isn't that powerful? Now let me tell you something. We're still beautifying God's house. I need 100 people to write me this week and send a love offering of $50 or more. Let God use you this week for His glory. Let us beautify the house of God together. I am excited about the house of God. God, God, the house of God. God, God, the house of God. God, God, the house of God. God, God, the house of God. God, God, the house of God. God, God, the house of God. Isn't that powerful? Thank you. have it. jack the vibe. Work the vibe. I wanna see you. Come on in. Jack the box. Come on and beat the box. Rock the house. Knock the house down. Work the box. The box. Come on and jack the house. Jack the